Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On se retrouve après une semaine de break, puisque dimanche dernier il n'y a pas eu d'émission pour cause de prise d'antenne par Radio Béton pour une soirée émission post-Ocar, et puis surtout il y avait un after à la guinguette de Tours, tout simplement. Nous sommes de retour ce soir pour une nouvelle émission en différé. Probablement que la plupart d'entre vous sont probablement au Hellfest ce soir. Nous y serons nous-mêmes dimanche prochain, parce que merci Full Fate, c'est absolument inratable. Et puis pour d'autres membres de l'équipe, il y a tout un tas de groupes que l'on souhaite se faire le dimanche. Donc voilà, on aura une émission en différé. Également dimanche prochain, et la dernière émission et dernière émission live de l'année, ce sera le dimanche 2 ou 3 juillet, j'ai mangé la date exacte tout à coup, et d'ailleurs nous recevrons Emile qui viendra nous parler, non pas de Beyond the Sticks ce coup-là, mais de la prochaine édition du Ripfest, puisque nous serons tout simplement à une semaine de l'événement. Et ce soir, malgré le fait que ce soit une émission en différé, on vous a concocté, enfin Thibaut surtout, vous a concocté deux petits focus plutôt coolos, voilà, qu'on va s'envoyer dans l'émission de ce soir. On aura bien sûr des nouveautés, les brutes américaines de Origin, les européens de Based, nous aurons également les très très bons français de FT17 et quelques autres, voilà, on aura le temps de se présenter tout ça dans les deux heures qui viennent. On attaque tout de suite avec donc les brutes de Origin, le groupe de Technical Brutal Death, sort son 8ème effort studio, actif depuis eh bien 25 ans pour Origin. Je prends des claques comme ça quand Sylvain il me remet les infos sur mes notes, c'est terrible, parce que j'ai l'impression que c'est un groupe que j'ai découvert hier, quoi, alors que bah non, en fait, je les ai vus pour la première fois sur scène en 2008 déjà. Enfin voilà, 5 ans après le précédent Unparalleled Universe, qui a, à mon sens, avait un peu peiné à convaincre, ils sortent là donc ce 8ème effort studio, 8 morceaux, une durée totale de à peu près 45 minutes. Pas trop de changements dans la recette, cependant, les morceaux sont un peu plus accrocheurs et. Alors ça reste ultra compact, hein, mais un peu plus, ça respire un peu plus. Il y a eu un petit retour au groove qui manquait sur le précédent album, qui était ultra synthétique. Et voilà, une prod pareil, mi figue mi raisin, mais en fait sur la durée de l'album, ça passe vraiment très très bien. Voilà pour Origin, et en doublette avec les vétérans du trash venus d'Allemagne, Creator, 15ème effort studio. Voilà, on est toujours sur du trash assez mélodique, hein, depuis quelques albums. Et à côté de ça, on a des morceaux qui sont vachement plus agressifs. À noter que c'est le premier album studio où apparaît le bassiste français Frédéric Leclerc, également dans l'Outblast ex Dragon Force, voilà, pour rappeler l'argent Creator en 2019. Toujours un visuel signé Eliran Cantor. Origin, on va s'écouter le titre Chaosmos, extrait de l'album du même nom. Creator, le morceau Killer of Jesus, extrait de l'album 8 Uber Alus, une sortie Nuclear Blast. Bienvenue dans l'émission, et c'est parti. We'll be right back. Doublée suivante avec les Norvégiens de Audrey Horn qui viennent tout juste de sortir Devil's Bell. J'avais pas encore pris le temps d'écouter ce nouvel effort studio. On est toujours sur du hard rock un peu heavy, un peu old school, très généreusement inspiré par les vieux albums de Iron Maiden, particulièrement sur les parties de guitare et ce son de basse très Steve Harrisien, notamment le titre instrumental de l'album qui est vraiment très inspiré, mais en même temps l'hommage est vraiment très intelligemment rendu. Au niveau du chant, un chant un peu plus entre guillemets aigu criard, hein, toute proportion gardée, parce que ça reste un chant très rock hard rock, et peut-être un peu moins mélodique chantant que sur les précédents albums. Enfin, je l'ai écouté plusieurs fois et ce Devil's Bells passe très très bien. On va d'ailleurs s'écouter le titre de l'album. Et ensuite, le Black de Lord Belial. Le groupe scandinave nous sort son nouvel effort studio sobrement intitulé Rapture. Lord Belial, ça nous vient de Suède, formé au début des années 90. Voilà, un groupe assez discret ces 10-15 dernières années. Et voilà, on est sur quelque chose de... pseudo-mélodie suédoise et cependant ultra sombre et violent. Rien de révolutionnaire et c'est très classique et ça fait parfaitement bien le taf. Audrey Horn, et on s'écoutera juste après Lord Belial avec le morceau Legion. C'est parti. Et voilà, même si c'est une émission en différé, comme annoncé un peu plus tôt au début de l'émission de ce jour, on retrouve malgré tout l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Oui, tout Salut à fait. Thibaut. Ouais, salut. Pardon, je te coupe la parole, mais on est un peu en différé. Comment bien? Ça commence bien. Du coup, bah bonsoir à toutes et tous. Ouais, petit gros focus même ce soir sur un groupe grec. La formation Septic Flesh, donc un groupe qui s'est formé dans les années 90, en 1990 pour être exact. Un groupe, pour ceux qui les connaîtraient pas, qui font du death mellow, death sympho. Info maintenant, ouais, Death Ouais. Mellow, Death même assez primitif, puis assez mellow, mais alors on est très très loin du Death Mellow scandinave, hein, on est sur du Death Mellow, bah du coup grec, hein, avec des ambiances bien spécifiques. Ouais, tout à fait, et puis avec un aspect aussi assez atmo dans ce qu'ils ont proposé, en tout cas même dans les débuts. Assez dramatique et déjà théâtral dans le style d'approche mélodique. Ouais, complètement. 11e album pour la formation avec 30 ans de carrière, donc c'est quand même Ouais. un groupe qui a quelques années au compteur. Avec un split en plus au milieu de la carrière. Tout à fait, avec un split, une reformation, split en 2003 et reformation en 2007. Enfin, vraiment un groupe qui a un background assez énorme. Pour brasser la discographie, ouais, donc 11 albums, on va commencer en 94 avec un premier album qui est pour moi assez atmo dans son approche, peut-être beaucoup moins théâtral et grandiose et plus rentre-dedans que ce qu'ils ont pu proposer par la suite. Je sais pas si toi t'as pu écouter ouais ce tout premier album. Alors moi si, parce que bon, ces petites flèches pour la petite histoire strictement personnelle, j'ai découvert après l'album de 2003 Sumerian Demon, et en fait sur Sumerian Demon il y a le tube absolu de ces petites flèches, qui est le morceau Infernal Sun, qui colle assez avec Virtues of the Beast d'ailleurs. Et en fait c'est le tout premier morceau de Metal Extreme que j'ai appris à jouer à l'époque où je faisais de la batterie. Donc voilà, j'ai un affect spécifique avec Septic Flesh. Et de fait, après avoir découvert cet album de 2003, j'ai poncé les premiers albums. À noter qu'à l'époque, Septic Flesh sortait ses albums sur le label français Holy Records, le label notamment de Misanthrope, qui avait c'est pareil, une affection spécifique pour la scène grecque, avec ce qui était Rotting Christ, Nightfall, etc. On s'égare. Donc oui, j'ai Oui. écouté les premiers Septic Ok. Flesh et je suis d'accord avec ton analyse. On enchaîne avec 1995 Esoptron. Alors j'espère que je le prononce bien parce que c'est en grec, qui est complètement dans la continuité du tout premier album. J'ai pas Très grand-chose à en prolifique, dire. hein. Pardon? Très prolifique déjà du coup dès le début de carrière, 2 ans, Complètement. deux albums. Complètement. On enchaîne en 97 avec Ophidian Well, peut-être un album ce qu'ils ont proposé de plus expérimental. C'est pas celui que j'ai préféré. En 98, A Fallen Temple, à mon sens le moins intéressant de ce qu'ils ont de leur discographie. J'ai pas trouvé spécialement mon compte dedans. En 99, ils enchaînent avec Revolution DNA, un album très Là. mélodesse. Oui, Oui, vas-y. exactement. Là, bah, c'était là, ils ont marqué déjà un visuel très dérangeant. Et là, effectivement, une première grosse étape dans la carrière de Septic Flesh avec la sortie de cet album. Complètement, ouais. Justement, on commence à sentir un petit peu des influences, on va dire globalement suédoises, même si c'est grossier les traits parce qu'ils ont quelque chose de très personnel dans leur approche du mélodès, mais il y avait une petite influence qu'on sentait On venir du commence à nord. tenter des trucs. Ouais. On enchaîne avec 2003, Sumerian Demons, un album excellent. On est déjà sur une petite pépite, beaucoup plus sombre, beaucoup plus grandiose dans ce qu'ils ont pu proposer. Moi, je l'ai vraiment adoré cet album, mais mon préféré personnellement restera Communion, l'album de 2008. Que dire dessus? Grandiose comme jamais. Il n'y a jamais eu, à mon sens, un album de Symphodes qui dépasse celui-ci. Et je pense que tous les gens qui ont été confrontés au morceau qui est dedans, donc Anubis, en live, ils comprennent que ce que c'est que de se faire soulever vraiment par cette espèce de puissance qu'il y a dans cet album, quoi. Puissance incantatoire, exactement. Et comme on en parlait en off juste avant, enfin que des tubes sur cet album. Ouais, complètement. 2011, The Great Mass, Je sais que c'est un album que toi, du coup, tu as apprécié énormément. Oui, qui pour moi, voilà, donc, comme je disais juste avant, Communion, le retour de ces petites flèches, et pour moi, The Great Mass, c'est l'album qui les a repropulsés en tête d'affiche de partout où ils jouaient. Et puis, c'est l'album qui a, comment dire, qui a rassuré tout le monde en se disant, ok, ces petites flèches, c'est pas qu'un retour avec Communion sous forme de pétard mouillé, sachant que Communion, en plus, a été l'album de la signature sur le label Season of Mist, donc Great Mass a été l'étape en plus sur l'ascension, la réascension de Septic Flesh, et pour moi un album que j'ai moins écouté que Sumerian Demons ou Communion, mais un album dont je sais être ultra qualitatif. Tout à fait, ouais. Derrière 2014, Titan, un album complètement anecdotique à mon sens, il n'y a pas grand chose à en faire, à en prendre. Un peu triste du pilotage automatique, où on reprend la recette de Great Mass sans l'inspiration. Ouais, complètement. Donc, voilà. 2017, Codex Omega, un album qui revient encore avec un son beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant dans ce qu'ils proposaient. On sent une forme de modernité dans le son en particulier. Et on retrouve, personnellement, j'ai vraiment retrouvé des ambiances qui étaient très proches de ce qui était proposé dans Communion, mais en plus moderne. Exactement. Oui, une évolution sur laquelle j'ai pas plus accroché que ça, mais somme toute logique et pertinente dans la musique de Septic Flesh. Ouais, complètement. Et donc on arrive cette année avec Modern Primitive, une sortie chez Nuclear Blast. Et, une étape de franchie. Complètement. Ouais, parce que précédemment c'était Season of Mist, je crois. Exactement. Et là, ouais, bah, sortie petite signature chez Nuclear Blast, donc belle progression encore une fois de la part du groupe. Quelque part, toujours sur un label français, parce qu'il y a juste eu un album qui est sorti chez Hammer Earth Records, mais pour le coup, quand on passe de Holy Record à Season of Mist, c'est français, et Nuclear Blast, maintenant, c'est français. Donc, ouais. Juste pour l'anecdote, quoi. Ouais, carrément. Je vois l'heure qui tourne, on s'écoute peut-être un petit morceau, et puis on revient après pour présenter vraiment l'album en lui-même. Exactement, on va s'illustrer le focus tout de suite avec le titre que tu as choisi. Et puis je te laisse annoncer le morceau, et on décrypte ensuite le morceau, et on passe à vraiment le descriptif de l'album. Ouais, ce soir c'est A Desert Throne, c'est voilà un morceau qui est en plein milieu de l'album, mais je vous laisse découvrir et puis on en reparle après. Eh ben merci, c'est parti, Desert Throne, pour faire une pause dans le focus dédié à Septic Flesh ce soir, et pour l'illustrer, c'est parti. We'll be right back. Et donc voilà, après ce titre Desert Throne, pour illustrer le focus de Septic Flesh, eh ben on va parler de ce morceau et de ce nouvel album que nous sort la formation grecque, Moderne Primitive. Donc pourquoi ce morceau ? Bah en fait c'est un morceau qui est vraiment au cœur de l'album, qui est représentatif de la globalité de ce qu'on va y trouver. Mais surtout, moi, un truc que j'ai toujours adoré avec Septic Flesh de manière générale, c'est ces espèces de refrains qui te restent en tête de ouf. Et il y a ça dans ce morceau-là, et j'ai trouvé que c'était vraiment, pour moi, c'est une des caractéristiques qui fait que le groupe, c'est un groupe que j'apprécie énormément. Et alors, on n'est pas sur du refrain epic power que tout le monde a envie de gueuler en même temps, on est sur du refrain épique, mais sombre et incantatoire qui nous déroule gentiment sur la tronche, parce que encore une fois, Septic Flesh sort un album orchestral, théâtral, symphonique, grandiose, où les guitares, à mon sens, prennent plus de place que sur le précédent album, où du coup, ça rééquilibre un peu la donne avec les mélodies symphoniques. Et puis, enfin, ouais, c'est une espèce de messe noire tout au long de l'album. Et Desert Throne sonne presque comme un sombre présage. Oui, complètement. On a bon, le groupe a toujours eu cette dimension occulte. Côté mythologie, évidemment, t'as Lovecraft qui est jamais bien loin dans l'histoire. Beaucoup de travail sur des textes fantastiques, de fantasy également. Puis, ce côté toujours plus grandiose, toujours plus épique. Des orchestrations qui sont vraiment chouettes, même si pas dépaysantes, parce que c'est de l'attendu de la part du groupe. Moi, personnellement, un truc qui m'a marqué, c'est un son de death beaucoup plus moderne encore, et avec dedans des espèces de relents gaugiriens, pour grossir les traits, genre période enfant sauvage, tu vois. Et t'avais vraiment des trucs où j'entendais, tu dis, ouais, putain, on sent que Gojira est passé par là quand même depuis le temps, tu vois. Et oui, Gojira influence le monde. Ouais, complètement. Complètement, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, j'ai vraiment retrouvé des gimmicks que tu as dans certains morceaux de Gojira que tu retrouvais presque tel quel dedans. Tout à fait. Voilà, tout fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus en particulier ? C'est pas, à mon sens, c'est pas le meilleur album de ce qu'ils ont proposé, parce qu'il est globalement très bon, mais c'est pas le meilleur. Mais bah personnellement, c'était un peu une excuse pour me refaire la discographie et pouvoir parler d'un groupe que j'aime beaucoup. Non, puis c'est encore une évolution logique. Enfin, maintenant, ces petites flèches jouent tête d'affiche à peu près partout où ils sont programmés. Ces petites flèches sur scène, il n'y a pas un coup à côté, c'est ultra pro. Bon, à part le bassiste chanteur qui touche très très peu sa basse, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il a des mimiques, une gestuelle très très prenante, justement très incantatoire, très très ritualiste. Et ça contribue du coup à toute l'ambiance que nous propose un Septic Flesh. Et puis si on prend le temps un peu de parler de la pochette, je sais pas si tu t'es un peu penché dessus, bon, encore une fois un chef-d'œuvre artistique grandiose. Et quand on prend le temps de faire un petit zoom, on se rend compte qu'en fait c'est pas un cerveau mécanique qui sort du crâne du bonhomme, mais en fait c'est juste des crânes humains. Et oh tiens, en bas à droite, qu'est-ce qu'on voit? La formule scientifique de la sérotonine. Hein, pour ceux qui sont pas très à jour avec ce que c'est la sérotonine, penchez-vous sur le sujet. Quand je parlais tout à l'heure d'une espèce de sombre présage, sombre menace, c'est un peu ça. Et quand on regarde Desert Throne, du coup le morceau que tu as choisi, qui est à la fois une lyrics vidéo et à la fois un clip animé, moi j'y vois une espèce de lecture des 10 plaies de l'Égypte avec un filtre Lovecraftien par-dessus, d'autant plus quand on est un peu au courant de la situation économique et sociale toujours que vit la Grèce au quotidien, et d'autant plus depuis quelques années les catastrophes écologiques, notamment les grands incendies de la saison sèche. Voilà, Desert Throne, pareil, quand on se penche sur les textes, c'est un peu tout ça qui semble ressortir. Et voilà, avoir une référence à la sérotonine sur un coin de leur pochette, c'est pas anodin. Ouais, complètement. T'as une espèce de déroulé, apocalyptique, clairement, dans ce nouvel album. Et justement, sur la pochette, moi, je l'avais noté, parce que j'ai pas toujours trouvé que ces petites flèches brillaient au niveau de ces pochettes. T'en as qui sont, bon, on parle d'albums qui ont 20 ans, mais qui sont un petit peu kitsch aujourd'hui, au niveau des visuels, et là je trouvais justement depuis, avec Codex Omega déjà, et là celui-ci, Moderne Primitive, Il y a une espèce de texture, une espèce de cohérence qu'il y a entre ces deux albums au niveau des visuels, et ouais, j'ai trouvé assez chouette celui-ci également. Et je le trouve, alors j'ai pas du tout la note de qui est derrière l'artwork, mais je le trouve assez proche de ce que peut nous avoir sorti visuellement. Merde, le dernier Otargos. Ouais, bah j'y pensais, hein, c'était... J'ai regardé, donc non, c'est pas le même artiste, mais effectivement, tu retrouves cette espèce de méca... Enfin, c'est pas fondamentalement méca, mais c'est crâne et tout, le mix chair, os et tout, qui est... Carrément, ouais. De méca bio-organique, un peu riche et sombre à la fois. Complètement. Très bien. Voilà, on a fait le tour de ce que tu avais à présenter sur ces petites flèches. Ouais, bah, un très bon album, encore une fois, un groupe incroyable. Et puis surtout sur scène, ça prend une dimension absolument grandiose et extrapolée musicalement parlant. Et puis bah, on va arrêter là-dessus sur le focus de ces petites flèches, sinon on va vraiment se faire taper sur les doigts par Sylvain parce qu'on aura beaucoup trop débordé. Et puis on passe à la suite. Ouais, c'est parti. Voilà, magnifique manière d'illustrer le premier focus de ce soir, avec un titre bien bien grandiose. On continue avec Baist, seconde nouveauté de l'émission d'aujourd'hui. Baist, c'est un groupe de death qu'on a découvert assez récemment, hein, ça nous vient du Danemark. Ils sortent là un nouvel EP, un tout petit peu plus d'un an après le très très bon album Necro Sapiens, hein, qui avait vraiment propulsé Baist sur le devant de la scène avec une tournée en compagnie de Aborted. Un petit EP, voilà, 4 titres et une reprise de Entombed, hein, forcément Baist c'est du Swedish Death HM2 à la sauce danoise cependant. Un EP assez généreux, hein, qui avoisine les 30 minutes cependant, et en doublette avec Baist, In Twilight Embrace, formation d'une vingtaine d'années qui nous vient de Pologne. Ils sont dans le black forcément inspiré un peu de Mgwa, et rehaussé d'un côté Black Death Swedish, à la sauce nécrophobique et dissection, et bah ma foi, le taf est sacrément bien fait. C'est le 6e album pour In Twilight Embrace, il s'intitule Lifeblood. On s'écoutera le morceau Sedition to Sedition, et juste avant ça, Baist avec le morceau Justicia, extrait de l'EP du même nom. C'est parti. Et c'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française dans l'émission Hellbanger de ce soir. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Béton, les ondes de 93.6. Cette aspect française est ouverte par le groupe du Nord, Gronibar, le groupe de Gorgrain français, qui, bien personnellement, peine à me convaincre sur ce nouvel effort studio. Faut vraiment que je reprenne le temps de me pencher dessus un peu plus sérieusement, mais en fait, les écoutes me blasent assez rapidement, et voilà, j'imagine qu'il y a vraiment de très bonnes choses, que les retours sont globalement très positifs. Une sortie Season of Mist, l'album s'intitule Regarde les hommes sucer, on s'écoutera le Unholy Horses of Evil, une espèce de parodie black metal. Et dans la foulée, zéro parodie, 100% efficacité, 100% black metal plus. Blood House Nord, une nouvelle sortie DBB en Morty Production. Blood House Nord nous sort un 14e effort studio qui fait suite à Hallucinogène qui était sorti en 2019, hein, bientôt 30 ans de carrière. On est toujours sur du black atmosphérico planant, limite hallucinatoire, hein, avec ce nouveau volet ouvert en 2019 avec l'album Hallucinogène. Et voilà, on est vraiment très très loin du black traditionnel, mais cependant l'engeance et l'essence pardon, du black ne plane jamais très loin. Disharmonium Unjumable Abysses, c'est le nom de cet album, et on s'écoutera le titre Apotheosis of the Unable. C'est parti. Derrière, c'est plus pointu. Peut-être le 16, Picard et le Ronco pour la 5e place.